What? Sinon, j'aurais tourné le... un petit peu comme ça. OK, on est dans Exode. La semaine passée, on a commencé 10 et on a fait la plaie, les sauterelles. Vous vous rappelez, ceux qui étaient là? Ceux qui n'étaient pas là, c'est disponible sur le blog. Puis, la voix et le PowerPoint. Juste avant que je commence là-dedans, juste vous rappeler, dans les annonces, là, c'est cet après-midi, c'est les funérailles du père de Geneviève Simard, Geneviève Morissette. Fait que c'est au salon funéraire, sur Boulevard Laurier, là. De Mers, merci. Celui de McMaster. Moi, je pense que c'est ça. Oui, bon, ça commence à 1h, fait que si vous avez un peu de temps, je vous encourage à aller les saluer, puis... passez vos condoléances à la famille, d'accord? Je comprends qu'ils ne nous connaissent pas vraiment personne, sauf, bon, peut-être la sœur de Geneviève. Mais quand même, pour Geneviève, c'est un encouragement. Bon, fini. OK, donc on va être dans Exode chapitre 10. On va commencer au verset 21, puis on va se rendre jusqu'à la fin de 11. On touche... ce qu'on appelle les deux dernières plaies. Mais en fait, moi, j'ai bien de la misère avec les 10 plaies d'Égypte, là, parce que je ne sais pas comment vous appelez ça, là, quand ils vont traverser la mer Rouge, mais ils vont en manger une méchante. Là. Fait que c'est plus des prodiges qui s'adressent particulièrement aux Égyptiens, mais c'est aussi un encouragement ou une exhortation au peuple d'Israël puis à nous aujourd'hui. Mais c'est intéressant que si on commence avec le serpent, puis qu'on se rend jusqu'à traverser la mer Rouge, il y a 12 prodiges. Hein, c'est intéressant, les 12 prodiges, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Les 10 plaies, je comprends que c'est 10 plaies, mais je comprends mal que la traversée de la mer Rouge, c'est moins important que les sauterelles ou les poux. Il en mangeait une méchante, là. Ça, c'est la fin d'un règne total. Là. C'est, le gouvernement vient de tomber, son armée et tout. Mais c'est pas mon sujet aujourd'hui. Je veux juste dire, on est rendu là. Fait qu'on va faire les deux dernières. D'accord? Fait que, comme j'ai dit la semaine passée, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si dans ce qu'on dit, vous entendez, si Dieu vous parle, n'endurcissez pas vos cœurs, venez à Jésus-Christ. OK? Dieu veut qu'on lui obéisse, il veut qu'on croie en lui, il veut qu'on se tourne vers lui. En fait, il veut qu'on se tourne vers Jésus. Et ce qu'on va regarder aujourd'hui, ça tourne vers Jésus, les deux dernières. D'accord? Alors, lisons. Je suis toujours dans la Louis II. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. » Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu, et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point laisser aller. Pharaon dit à Moïse, « Sors de chez moi, garde-toi d'apparaître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. » Tu l'as dit. Répliqua Moïse, « Je ne paraîtrai plus en ta présence. » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. » L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était considéré dans le pays d'Égypte, très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel, Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, « Sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. » Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. » Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Juste avant que je rentre dans mes slides, on va dire. Si vous regardez la fin de chapitre 10, Pharaon dit à Moïse, verset 28, « Sors de chez moi. Garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. » Et c'est comme si Moïse s'en va, OK, puis qu'il va faire d'autres choses. Mais quand on lit au verset 11-8, « Alors, tous tes serviteurs que voici descendront vers moi, se prosterneront devant moi en disant, « Sors, toi, et tout le peuple qui s'attache à tes pas, après cela, je sortirai. » Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Donc, est-ce qu'on comprend que c'est une suite ici et que Moïse n'est pas sorti quand, au verset 28, là, Moïse n'est pas parti? Il y a comme une petite parenthèse qui nous dit ce que Dieu a dit à Moïse, puis Moïse le dit à Pharaon avant de partir. Est-ce que ça va? Sinon, on aurait un problème de... C'est pas logique. Donc, on va rester avec ça. Alors, dans le texte qu'on va regarder, il y a deux prodiges ici, là, deux miracles, deux prodiges, deux plaies, qui sont en lien direct avec le ministère de Jésus. C'est ça le point que j'aimerais faire ici. Puis, ce qui va suivre après, la semaine prochaine, c'est Gilles avec Exode 12. Là, il va élaborer un petit peu plus avec le sacrifice qui va être fait, les agneaux qui vont être sacrifiés, etc., jusqu'à la mort des premiers-nés. Fait que, bien qu'on parle de la mort des premiers-nés ici, ça n'arrive pas dans le chapitre 11. Ça va arriver un petit peu plus loin. Et donc, les ténèbres avant la mort des pécheurs, c'est ce que j'aimerais dire ça, parce que c'est les ténèbres qui viennent sur l'Égypte, et là, le peuple d'Israël va partir, Pharaon va les poursuivre, puis Pharaon et toute son armée vont être anéantis. OK. On va faire un parallèle avec Jésus. Puis le sang de l'agneau qui est versé ici, dans la plaie qu'on va regarder, c'est lié avec le sang, l'agneau de Dieu, hein, qui protège le peuple de Dieu. Fait qu'on va faire un pont entre les deux. Est-ce que ça va? OK. Alors... Vous êtes capable de lire ça? De toute façon, vous avez vos Bibles, hein? Moi, c'était juste pour mettre en gras certaines parties du texte. Au verset 22. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. La lumière, on est qui, nous, dans le Nouveau Testament? Nous, on est le sel de la terre, la lumière du monde. Pourquoi on est la lumière du monde? Parce que l'Esprit de Dieu, hein, l'Esprit Saint, qui habite en nous, Christ est la lumière du monde, il habite en nous. Donc, nous, là, on est comme toutes des petites lumières, chacun sa couleur. Mais ici, c'est tellement concret, là, il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres. Vous pouvez imaginer, là, qu'il fait tellement noir qu'on ne voit rien. L'endroit le plus proche qu'on peut aller de ça, là, dans ce qu'on connaît, nous, c'est dans une chambre noire. Moi, j'ai fait de la photographie, là. Puis quand tu es dans la chambre noire, il fait noir. C'est intéressant que nos yeux finissent par s'habituer. Je sais, j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures dans des chambres noires. Nos yeux finissent par discerner un petit peu des ombrages. On n'est pas capable de dire qu'est-ce que c'est, là, mais il faut l'avoir vécu. Quand ça fait deux heures que tu es dans la chambre noire, il fait noir, là. Tu fais tout en tâtonnant. À un moment donné, peut-être que c'est une imagination, mais tu perçois les choses. Mais là, ici, il dit, il bougeait même pas. Il ne bougeait pas. Pourquoi? Parce que si tu te lèves, tu ne reviendras pas où c'est que tu étais. Il voyait rien. OK? Donc, cette plaie-là, je sais que vous ne le voyez pas. Ah oui, je me rappelle. Non. OK. Ici, les ténèbres. Le nom de Pharaon, hein, c'est Ra sur terre. C'est lui, là. C'est lui personnellement, là. Il est l'incarnation du dieu Ra sur terre. Lui, là, il est le président du conseil des dieux les plus puissants d'Égypte. Lui, là, il ne peut rien faire. Fait que toutes les déités qui ont été jetées à terre, là c'est Pharaon. Et ce qu'il représente qui est jeté à terre. Donc, il y a eu des ténèbres pendant trois jours. Il y a eu un autre moment dans l'histoire où il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Quand Jésus sur la croix, depuis la sixième heure, ça c'est midi, jusqu'à la neuvième heure, trois heures de l'après-midi, il y a des ténèbres sur toute la terre, pas juste à Jérusalem, là, sur toute la terre. C'est puissant comme phénomène. Même un éclipse solaire, là, ça ne dure pas trois heures. C'est ça là, qui est intéressant ici. De la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Pousse un grand cri et rend l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé pendant... Qu'est-ce que les ténèbres en Égypte viennent montrer? Qu'est-ce que les ténèbres, quand Jésus est sur la croix, viennent montrer? Qu'est-ce que Jésus fait sur la croix? À ce moment-là, là. Pourquoi les ténèbres sur la terre? Parce que Dieu regarde ailleurs. Parce que Christ a pris sur lui tous nos péchés. Pourquoi les ténèbres en Égypte? Les ténèbres, là, c'est lié à la mort. C'est lié au grand malheur. C'est lié à l'anxiété extrême. Okay? C'est ça que ça fait. Là. Ça neutralise, ça te rend tout petit, ça te fait réaliser que c'est la vie. Quand Dieu a créé le monde, Genèse chapitre 1, qu'est-ce qu'il y avait? Les ténèbres. Dieu a introduit la lumière. OK? Puis il a vu que la lumière était bonne. S'il dit qu'il a vu que la lumière était bonne, qu'est-ce qui arrive par rapport aux ténèbres? Les ténèbres, c'est vide, c'est absent, c'est sans vie, il n'y a rien. C'est pas bon. Hein? Il n'y a pas de couleur, oui, c'est ça. Il n'y a pas de couleur. Ici, en Égypte, il va y avoir les ténèbres avant qu'ils partent, avant les premiers-nés qui vont mourir. Puis, quand Jésus, il y a les ténèbres sur la croix, c'est juste avant qu'il meure. Bien, qu'est-ce qui va se passer dans la fin des temps? Matthieu 24 nous dit, « Qu'en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. » Aussitôt après ces jours de détresse, donc après les malheurs, qui sont annoncés après les malheurs. Et là, on voit dans Matthieu 24, il y en a des malheurs, un après l'autre. Hein? Après, là, il va y avoir, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Ça, c'est avant quoi? Ouais, avant le retour du juge. Celui qui rend le jugement. Fait qu'on regarde là, puis on a un présage. Quand tu es en train de regarder, ce que Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, en fait, parce que les Égyptiens, là, ils vont oublier ça, eux autres, là. Il y a un méchant paquet qui sont morts, là. Mais ce qu'il est en train de dire au peuple d'Israël, rappelez-vous, il leur dit à traverser l'autre bord, rappelez-vous de tout ce que vous avez vu, tout ce que j'ai fait. Rappelez-vous-en, enseignez-le à vos enfants. Pourquoi? De génération en génération. Pourquoi? Pour que nous, on puisse l'avoir, hein, puis qu'on puisse savoir ce qui s'est passé. Mais on sait aussi ce qui s'est passé avec Jésus. Et quand il nous parle de ça, ça va arriver. Ça, ça va arriver. Comme les exemples qu'on a eus dans le passé, demain, ça va se passer. Ça va? Et Apocalypse 16 dit, dans je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on a fait Apocalypse, là, la cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Tu sais la petite blague, là, en enfer, on va être bien avec nos chums. C'est les ténèbres. Tu vois rien. Tu vas entendre crier, tu vas entendre pleurer, mais tu vois rien. Tu ne sais pas c'est qui, tu ne sais pas pourquoi, mais toi, tu es tout seul, puis toi aussi, tu vas crier, pleurer, si tu es en enfer. Est-ce que vous suivez l'image ici, là? C'est pas un moment intéressant, mais non seulement c'est pas un moment intéressant, c'est toute l'éternité. Est-ce qu'on a besoin d'annoncer l'Évangile à ceux qui nous entourent? C'est toute l'éternité comme ça. C'est pas une blague, là. C'est sérieux, l'affaire. Alors, le dixième signe ou la neuvième plaie, c'était les ténèbres. Ça va? Au chapitre 11, la dixième chose qui va arriver, tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Pourquoi? Afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Les ténèbres vont amener, la suite des ténèbres, c'est la mort. Est-ce que ça va? Ici, là, ça va être les premiers-nés d'Égypte. Et non seulement des hommes, mais du bétail. Tous les premiers-nés. Afin que vous sachiez la différence que l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. L'autre, la mort des premiers-nés. Les dieux qui sont concernés, c'est Min puis Isis, dieu de la procréation puis déesse de la fertilité. Le premier-né dans une famille, particulièrement la famille royale, c'est lui l'héritier de... En fait, dans le peuple d'Israël, le premier-né, c'est lui qui reçoit tout l'héritage du patriarche. C'est toujours le premier-né. Quand ton premier-né est mort, c'est comme si je venais de couper ta lignée. Ah, c'est les autres qui m'ont hérité. Il n'y a pas de différence entre le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. C'était le premier-né qui était l'héritier. Et ici, c'est Jésus, le premier-né de Dieu, qui est l'héritier de la promesse. Qu'est-ce qui vient d'arriver? OK. Bouge pas. Non, c'est moi qui accroche un piton. On fait juste duplicate, peut-être. C'est lui. Merci, Jean-François. OK. Fait que moi, j'ai rajouté la douzième qui est cachée, là. La douzième qui est cachée, c'est la traversée de la mer Rouge, là. C'est l'autre bord, c'est mortel pour l'Égypte. OK? Donc ici, c'est les premiers-nés. C'est ça qui nous intéresse. Alors, l'Éternel dit, j'envoie encore une plaie. Tous les premiers-nés vont mourir. Pourquoi? Pour que vous sachiez la différence que je fais entre l'Égypte et Israël. Au chapitre 13... Quand on va arriver là, il va dire, l'Éternel parle à Moïse, puis il dit, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, qu'il m'appartient. » OK? Fait que là, il dit ce qui va arriver aux Égyptiens. Ça, c'est le prix que l'Égypte va payer pour être réticent, désobéissant à l'Éternel. Maintenant, il dit à eux de préparer la fête de la Pâque. OK, l'agneau qui est sacrifié, là, on met du sang sur les poteaux de la porte, OK, afin que quand l'ange de l'Éternel va passer, tous ceux qui sont, les portes sont couvertes de sang, de l'agneau, eux, ils ne meurent pas, mais toutes les autres maisons, le premier-né va mourir et tous les premiers-nés du bétail vont mourir. Donc, Israël n'est pas touché. Mais là, Dieu, il dit à Moïse, toi, là, à partir de maintenant, toi, le peuple d'Israël que j'ai mis à part, que je protège, vous allez, vous, hein, me consacrer tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Bon, ben qu'est-ce qui est arrivé aux animaux le soir de la Pâque, là? Ils sont morts, ils ont donné leur sang. Et il dit au verset 15, chapitre 13, « Comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je... » Là, il parle de tous les mâles, les offre, « et je rachète tout premier-né de mes fils. » Il va racheter ses premiers-nés. Comment il va les racheter? En sacrifiant un animal pour racheter son fils. Comment Dieu va nous racheter, nous? Il sacrifie un animal, un agneau, premier-né, sans tache, pour nous racheter, nous. OK? C'est qui l'agneau sans tache? C'est Jésus. Son premier-né à lui va servir d'agneau pour nous racheter, nous. Intéressant quand même. OK. Alors, non seulement Dieu fait ça avec l'Égypte, mais Dieu, quand on a tenté de chanter tantôt, il est patient. Hein, okay? Il est tendre. Écoute, il est patient envers Pharaon, là. Combien de parents sont patients comme ça avec leurs enfants, aussi longtemps que ça, là? OK? Fait que, bon, à un moment donné, on pète notre coche, là, hein? On passe à d'autres choses. Dieu est patient, mais l'objectif ici, ce n'est pas l'Égypte. L'objectif, c'est Israël. L'objectif, ce n'est pas le monde. L'objectif, c'est le peuple de Dieu. Tous ces enseignements-là, c'est pour nous rapprocher de Dieu, nous ramener à lui. Fait qu'observons ce qui se passe. Tout ce qui se passe sur la terre présentement, c'est pas pour le monde, c'est pour nous. Qu'on sache que bientôt, bientôt, le Seigneur revient. Jean chapitre 1, à partir du verset 24. « Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. » Fait que là, on a Jean le Baptiste qui est dans le désert, puis qui commence à baptiser. Alors, les chefs de l'Église envoient des gens pour aller voir à Jean le Baptiste, à savoir qui il est. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Parce que le Messie est annoncé, qui va venir régler les problèmes d'Israël. Jean le Baptiste leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un. » Quelqu'un, c'est un homme, fils des hommes. Il y a quelqu'un, fils de l'homme, que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus. Donc, Jésus, c'est le quelqu'un, c'est le fils de l'homme qui est envoyé. Le lendemain, il vit Jésus devant lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'avais dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Ben oui, parce que Jésus a toujours existé. « Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean est là, il baptise. Il ne connaît pas le Messie, il ne sait pas c'est qui. Il est là, il baptise, il sait que sa job c'est ça. Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, né des hommes, mais né de Dieu. Il est l'agneau qui paye pour nos faiblesses à nous, nos péchés à nous, notre attitude à nous. 1 Jean 4. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, Pas plus que le peuple d'Israël. Hein. Le peuple d'Israël, là, ils sortent, ils traversent la mer Rouge. Ils vont voir l'armée égyptienne anéantie. Ils sont de l'autre bord. Ça ne prend pas 2 semaines qu'ils se mettent à chialer. Puis Dieu va être obligé de sévir, là, plus qu'une fois, avec eux autres. Mais eux, c'est nous. Eux, ils ont de la difficulté. Ils sont rebelles. Ils ne comprennent pas tout. Mais Dieu est patient, Dieu est tendre, Dieu les accompagne, puis Dieu a une promesse pour eux, puis Dieu va accomplir la promesse. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Intéressant ici. Bien-aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. On ne peut pas faire ça à distance en passant, là. On peut faire ça jusqu'en... On se voit, puis on s'assure de se voir. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. La conversation de la semaine passée, là, j'aimerais ça voir Dieu. Hein, ce serait le fun, on pouvait le voir. Hein, c'est intéressant. Personne n'a jamais vu Dieu, sauf Jésus. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Comment on le sait? En ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu, ça c'est l'auteur, Jean, l'apôtre Jean, mais dit nous, c'est tous ceux qui sont témoins de l'époque. Nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Christ, c'est l'agneau. Donc la fête qu'on est en train de faire en Égypte, là, qu'on va faire ce soir-là, puis qu'ils vont répéter à chaque année, hein, c'est pour se rappeler qu'est-ce que Dieu a fait pour eux. Mais c'est pour annoncer aussi le Messie pour ce qu'il fait pour nous. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Confesser, là, tu confesses à quelqu'un. Fait que, comment on confesse? Si tu as honte de parler de moi publiquement, moi aussi j'aurais honte de toi. Fait que il faut confesser de la bouche, hein, et du cœur. Confesser publiquement. Le moyen que Dieu nous donne, c'est par le baptême. Le baptême dans l'eau. OK? Ça, c'est le moyen. Le deuxième moyen, qui ne vient pas après, ça vient tout en même temps, c'est dans le corps de Christ que Dieu nous a placé. Fait que c'est là qu'on vit. C'est là que Dieu nous parle. C'est là qu'il est présent. Celui qui confessera par sa façon d'être, par sa parole, par sa façon d'agir, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et cette plaie-là, que Dieu envoie, ces plaies-là, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Jean 17, Jésus, il fait une différence entre son peuple puis le monde. C'est la même affaire. Jésus, il prit son Père pour nous. Ça, c'est avant de mourir. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Moïse a dit la parole de Dieu à Pharaon puis à ses serviteurs. Ils n'ont rien voulu savoir. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » Ça, c'est nous, là. « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, comme il a fait avec Pharaon, et ils les ont reçues, contrairement à Pharaon qui n'a rien voulu savoir. » Les enfants de Dieu, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Et ils les ont reçus, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Quand Dieu agit en Égypte, le peuple d'Israël sert de témoin pour toutes les nations que Dieu est tout-puissant. Puis que Dieu fait une distinction entre ses enfants puis le reste du monde. Quand ils sont arrivés à Jéricho 40 ans plus tard, les gens à Jéricho, ils tremblaient. Puis toutes les villes en Canaan tremblaient parce qu'ils ont entendu la puissance de Dieu, ce que Dieu a fait. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Si vous continuez la prière, là, comme ils sont un, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et comme il veut que nous, on soit un les uns avec les autres, de même, il veut qu'on soit un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'on soit comme un seul homme avec le Père. Christ est la tête du corps de l'Église. Le corps ne peut pas fonctionner sans la tête. Mais pour être un, ça veut dire qu'on est en harmonie avec ce que Dieu dit. Je ne fais pas ma petite affaire. Nous sommes un corps. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Mais ils ne sont pas du monde. Je ne sais pas si vous suivez l'affaire. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un comme nous. Si on retourne à Éphésiens, là, tout le but du corps de Christ, c'est qu'on soit un, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en préparation pour la rencontre avec le Seigneur dans la nuit. Alors, psaume 100, j'aime bien y aller de temps en temps, au verset 3, il dit, quand on chante, « Poussez des cris de joie vers l'Éternel, servez l'Éternel avec joie, entrez dans ses portes avec des louanges. » Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes quoi? Son peuple. C'est pas nous qui décident, c'est lui. Nous, on ne s'est pas joints. Il nous a joints. On est son peuple, puis on est quoi? Un troupeau. Un troupeau de brebis. C'est intéressant, je ne sais pas, je l'ai déjà raconté, là, mais dans le camp de jeunesse l'année passée, il y a un des enseignants qui a amené une petite vidéo, il montrait, il parlait des brebis, puis il dit, tu vois, on prend une petite brebis, là, toute cute, dans les bras de quelqu'un. C'est comme ça qu'on se voit, des petites brebis dans les bras de Dieu, tu sais. Puis là, il en monte un autre couché par terre, puis le berger d'à côté. Puis après ça, il monte une petite vidéo. Puis là, t'as un mouton qui est pris dans un genre de fossé assez solide quand même, là, parce qu'il y a comme deux murs de béton là, qui séparent un champ de l'autre. Puis entre les deux, c'est comme un espace vide, ça doit être pour irriguer l'eau. Et là, il y a un mouton qui est pogné, là. Tout ce qu'on voit, c'est le derrière qui sort de la craque, tu sais, du fossé. Fait que là, le berger s'en va, puis il prend le mouton par la queue, par une patte, puis il sort. OK, il le secoue un peu, il le remet sur ses pattes. Puis là, il faut qu'il parte de là, puis il y a un petit ponceau à traverser un petit peu plus loin. Fait que là, il fait traverser le troupeau. Puis le même mouton, là, dès qu'il est l'autre bord, qu'est-ce qu'il fait? Il repart à courir, puis tu le vois sauter dans les airs. Puis il retombe dans le fossé, là, la tête dans le fond du fossé. Ça, c'est des brebis. Ça, c'est nous. On a beau avoir un berger qui prend soin de nous, là, et qu'on a de la misère à rester à côté de lui. OK? C'est pour nous qu'il est mort. Et donc, c'est pas parce qu'on est bon, c'est pas parce qu'on est beau, c'est pas parce qu'on est intelligent, c'est pas parce qu'on est fort. C'est parce qu'il nous a joints à sa famille. C'est parce qu'il nous a adoptés. Puis tout ce qu'on lit dans ce qui se passe là, dans Exode, là, c'est la préparation du peuple d'Israël. Mais ils n'obéissent pas. Mais il y a une raison. Puis Dieu va les déporter. Puis pendant 1900 ans, là, ils sont un peu partout sur la planète, mais ils ne sont plus un peuple. Dans le sens ensemble, avec un pays, un territoire, puis toute leur affaire. Non, ils n'ont plus ça. Et même aujourd'hui, qui sont revenus depuis pas longtemps en Israël, ils ne sont pas encore chefs chez eux. Ils sont, mais pas vraiment, parce qu'ils n'ont pas tout le territoire. Un. Deux, ils ont de la misère à se mettre d'accord. Puis, mais en même temps, si vous regardez ce qui se passe dans la politique autour d'Israël, là, le Nord, l'Asie, puis l'Afrique sont en train de tous se mettre d'accord entre eux autres. Là. C'est intéressant, là. Vous regardez les nouvelles. Là. Ce qui se passe en Afrique, là, c'est ça se tourne vers l'Asie puis vers la Russie. Ils sont en train de devenir tous des alliés pour toutes sortes de raisons. Mais pour le monde en général, l'Occident contre l'Orient, là, ça, c'est le monde qui dit ça, qui voit ça. Mais nous, là, si on regarde comme il faut, là, Dieu a dit qu'à la fin, là, les nations qui entourent Israël vont être comme un seul homme pour détruire Israël. OK? Fait que pour que ça arrive, ça, il faut que qu'est-ce qui se passe présentement arrive. Fait que, est-ce que c'est les ténèbres sur la terre? Boy, quand vous regardez de quoi le monde parle, quand vous regardez les lois qui sont passées, quand vous regardez les décisions qui sont prises, on n'est pas dans l'aveuglement spirituel sur la terre. Dieu dit qu'à la fin des temps, ça va être l'apostasie sur la terre. On ne veut plus rien savoir de Dieu. On se donne les lois qu'on veut, on écoute toutes les philosophies qui passent. Boy, si on n'est pas dans les ténèbres, je ne sais pas dans quoi on est, là. Mais c'est pas juste dans un pays, là. C'est partout sur la planète. Tu sais, les Juifs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Holocauste, là, ils pouvaient se sauver dans des pays ailleurs. Mais là, où est-ce qu'on peut se sauver, là, quand toute la Terre se met d'accord? OK? Tu me souviens? Je ne veux pas être alarmiste, je veux juste dire. Si nos yeux sont sur le Seigneur, là, pendant que tout ça se passe en Égypte, Dieu prend soin d'Israël. Peu importe ce qui se passe à la planète, Dieu prend soin d'Israël. Peu importe ce qui se passe à la planète, Dieu prend soin de son peuple. Dieu prend soin de nous. Est-ce que ça va? Alors, les ténèbres, puis la mort des premiers-nés, c'est un signe, en même temps pour nous, de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est arrivé il y a 2000 ans. Mais la prochaine fois, là, c'est bientôt que ça va arriver. Alors, ce qu'on a vu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Ne vous inquiétez pas, ne vous alarmez pas de ce que vous voyez. Rappelez-vous qui est l'Éternel. Rappelez-vous à qui vous êtes attaché. Rappelez-vous à qui vous appartenez. Il est fidèle, il prend soin de ses enfants. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu, l'Éternel. Il n'y a qu'un seul Sauveur, Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu. Alors, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, venez à Jésus-Christ. C'est la seule solution. Amen.